Chapitre 4. La reconstitution du crime. L'instruction officielle commençait. Henri Brémois n'accepta l'assistance d'aucun avocat. « Je n'ai rien à dire, » se bornait-il à répondre. « Il est très fort, » assurait le commissaire Bélanger. « Il nous laisse la charge de faire la preuve. » « Mais comment faire la preuve d'un crime impossible ? Comment accuser un homme de ce crime ?» Le juge d'instruction, M. Bréard, résolut de demander le concours d'un policier parisien. L'affaire de l'assassinat de Jacques Ternier, si mystérieuse, commençait à passionner l'opinion non seulement dans l'Aube, mais dans toute la France. Aussi, le policier désigné pour suivre l'affaire fut-il l'inspecteur Paul Barre, dont la réputation devenait maintenant une sorte de célébrité. Paul Barre était cet extraordinaire fonctionnaire de police qu'une vocation impérieuse avait appelé à la profession de détective officiel. Très cultivé, même fort riche, d'excellente famille et homme du monde accompli, il était simplement inspecteur. Mais son indépendance absolue, sa complète liberté d'allure, faisaient de lui un personnage singulier. Sa situation spéciale et surtout son habileté, on pouvait dire son talent dans son métier ou plutôt dans son art, le plaçait fort au-dessus de sa condition. Le juge savait tout cela. Cependant, il se montra fort surpris de la désinvolture de l'inspecteur. Celui-ci se présenta accompagné d'un collègue qui lui servait en quelque sorte de secrétaire au cours de ses enquêtes. « Mon collaborateur Denizet, » fit-il en le présentant, « je ne travaille qu'avec lui. » Puis aussitôt avec autorité, « j'ai pris connaissance du dossier. Monsieur le juge, il faut mettre en liberté Henri Brémond. » Le juge sursauta. « Oui, » insista Paul Barre, « il ne s'agit pas de savoir qui a commis le crime, mais comment le crime a été commis. Ne mélangeons pas les questions. Avez-vous ordonné une reconstitution du crime ? Non, c'est cela qu'il faut faire tout de suite, mais je ne me mêle de l'affaire qu'à cette condition. Soit. Autre chose, il faut qu'on ignore qui je suis. J'assisterai à cette reconstitution très discrètement. Si j'ai une observation à présenter, un détail à régler, un incident à préciser, ce sera par l'intermédiaire de mon collaborateur Denizet. Pouvons-nous faire la reconstitution demain ? C'est possible. Alors à demain, monsieur le juge. Ah, gardez pour cette formalité le commissaire Bélanger. Je ne veux pas paraître l'évincé, cet homme, pourvu qu'il ne se mêle de rien. À demain. » Il y eut donc, le lendemain, à Maigrigny, une descente de justice à laquelle nul ne s'attendait. L'arrivée du magistrat, du commissaire Bélanger, des gendarmes et de l'inspecteur Denizet alerta de suite les curieux. Le spectacle d'Henri Brémond, menotté aux mains, souleva une émotion considérable. Quelques cris s'élevèrent à son passage. « À mort ! À mort !» Il y avait même un cheminot hirsute que nul ne connaissait et qui criait plus fort que les autres. À ce point qu'il faillit se faire arrêter par les gendarmes qui lui demandèrent ses papiers. Il s'écriait « Mes papiers, ils sont en ordre, je suis un honnête homme, voici mes certificats. » « Alors, dit le brigadier, mêlez-vous de ce qui vous regarde. »« Oui, brigadier, c'est ce que je vais faire. » Et dans la foule des curieux, il suivit la reconstitution. On fit placer les témoins dans la position qu'ils occupaient lors du drame. L'inspecteur Denizet jouant le rôle de la victime et placé face au village. Le cheminot s'était faufilé au premier rang, tout contre les gendarmes. « Foutez le camp !» vous dit le brigadier. « Ça ne fait rien, » dit l'inspecteur Denizet. « Laissez-le. » C'est que de ce côté-là, derrière la victime, il n'y avait personne. « On le sait, » fit l'inspecteur. « On le sait, » répéta le juge. Le commissaire Bélanger maugréait. « Quel drôle de reconstitution !»« Voici le docteur, » dit l'inspecteur qui prenait délibérément le commandement de la cérémonie. « Docteur, veuillez bien déterminer la position du poignard planté dans le dos de la victime que je figure. » Vous, monsieur le maire, monsieur l'instituteur, et vous, brigadier, vous préciserez la position de Jacques Ternier que je représente au moment où il a été frappé. Ce qui fut fait avec minutie. Le cheminot suivait tous les détails de l'opération. Voilà, expliqua le docteur Postel, comment l'arme était enfoncée jusqu'à la gare dans le dos de la victime. De haut en bas, légèrement descendante, entre les deux omoplates, plus à gauche qu'à droite, ce qui fait que le cœur a été atteint. La mort, je le répète, a été immédiate et foudroyante. Le cheminot, à ce moment, était mêlé au groupe. Le brigadier furieux lui cria « Voulez-vous bien fiche le camp à la fin ?» Mais le cheminot, qui regardait attentivement la position de l'arme indiquée par le médecin et la position de la victime indiquée par les témoins, s'éloigna docilement un petit pas en sifflotant. « La reconstitution est terminée », déclara l'inspecteur Denizet. Le juge s'arrêta, surpris et interloqué, mais il répéta après le policier « La reconstitution est terminée ».